Est-ce qu'on pourra avoir l'organisateur, s'il vous plaît, à la voiture sono? L'organisateur, s'il vous plaît, à la voiture sono avant de partir. Guillaume, s'il te plaît, à la voiture sono, Guillaume. Solidarité avec les...